بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours donc concernant l'épître, l'explication de l'épître de l'imam Ibn Baz rahimahullah sur les invocations et les azkar. On avait vu plusieurs invocations à faire après la salat. Et ensuite l'auteur qui nous dit wa yusabbihu Allah 33 wa yahmaduhu mithla zalik wa yukabbiruhu mithla zalik wa yaqul tamam al-mi'ah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et donc la personne, après avoir fait les invocations et les azkars qu'on a cités précédemment, elle va prôner la pureté d'Allah 33 fois. Elle va faire le tasbih, le fait de dire Subhanallah. Elle va louer Allah aussi 33 fois. Alhamdulillah. Et elle va prôner la grandeur d'Allah aussi 33 fois, donc le fait de dire Allahu Akbar. Et ensuite, donc cela fait un total de 99. Et pour finir les 100, la personne va dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, seul et sans associé, à lui appartient la royauté ainsi que la louange, toutes les louanges reviennent vers lui et il est capable de toutes choses. Et donc barakallahu fikoum, on a la source de ce hadith, la source de cette invocation du moins, se trouve dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamam al mi'ah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله. Et donc ici il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih Muslim, celui qui prône la pureté d'Allah 33 fois à la fin de chaque prière et qui loue Allah 33 fois et qui prône la grandeur d'Allah 33 fois, voilà 99 fois. Puis la personne va dire la centième fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Comme on a vu tout à l'heure, alors celui qui fait cela, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont comme l'écume de la mer. C'est-à-dire même si les péchés sont nombreux, même si la personne a beaucoup de péchés, ceci est une cause de pardon, d'expiation des péchés. Et donc ne délaissons pas ce genre d'invocation, ce genre de azkar qui sont des causes d'expiation, de pardon des péchés, en sachant que ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum, ce sont les petits péchés, pas les grands. Parce qu'on a déjà vu la base concernant les grands péchés, c'est que le repentir est obligatoire. Et donc la base concernant les grands péchés, c'est que le repentir est obligatoire. Ensuite, on trouve dans Sahihain, aussi concernant donc cet acte d'adoration, concernant ce zikr, et les récompenses qui sont liées à cela, on trouve dans Sahihain al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu qui dit Anna fukara al-muhajirin ataw Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam faqalu zahaba ahlu d-dusuri bid-darajat al-ula wal-na'im al-muqim. Et donc il dit Abu Huraira radiallahu anhu que des pauvres sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wasallam en disant certes les riches ahlud dusur, ceux qui ont de l'argent, eux ils sont partis avec les hauts degrés et avec la récompense éternelle al-na'im al-muqim. Ils sont partis avec les hauts degrés, les causes de récompense éternelle. Fait quoi les wamezelik? Wamezek. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, mais qui a-t-il? قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. Alors à ce moment-là, les pauvres, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les riches prient comme nous prions. Ils vont jeûner comme nous jeûnons. Et ils vont donner l'aumône alors que nous ne donnons pas d'aumône. Effectivement, les pauvres, ils n'ont pas de quoi faire des aumônes. Mais ils reçoivent l'aumône justement. Et donc, ils disent que les riches, ils font des actes d'adoration que nous, on ne peut pas faire. Ils vont libérer des esclaves, et nous, on ne libère pas d'esclaves. On ne peut pas libérer d'esclaves. Fait qu'on est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Afala u'allimukum shay'an. Tudrikuna bihi man sabakakum. Watasbikuna bihi man ba'dakum. ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses pauvres, il leur dit, puis-je vous enseigner quelque chose? Que si vous le faites, alors vous allez rattraper ceux qui vous ont précédé. Et vous allez donc dépasser tous ceux qui sont derrière vous, tous ceux qui viendront après vous. Et personne ne pourra être mieux que vous, sauf ceux qui feront comme vous. Qalu bala, ils dirent bien sûr au messager d'Allah, dis-nous, informe-nous. Alors là, il leur a dit, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salatin. Et donc, vous allez prôner la pureté d'Allah, sa grandeur, et le louer après chaque salat 33 fois. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. Ensuite, les pauvres, ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, certes, nos frères, les muhajiroun, les riches, ils ont entendu ce que nous faisions. Du moins, excusez-moi, pas les muhajiroun, c'est les muhajiroun. Hein, ici, il y a encore un point important, les muhajiroun, ils étaient pauvres. Hein? En tout cas, aujourd'hui, les gens ils veulent faire la hijra en étant riches. Les muhajiroun, ce qui était connu, c'est qu'ils étaient connus par rapport à cet état de pauvreté. Et donc, les pauvres muhajiroun sont revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, nos frères, les riches, ont entendu ce que nous faisions. Et ils font comme nous. Alors là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ. Ceci est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Et donc ici, on voit, barakallahu fikoum, la grande récompense qui est liée à donc cet acte que la personne va faire après la prière, lorsqu'elle va prôner la pureté d'Allah tabaraka wa ta'ala 33 fois. Elle va louer Allah tabaraka wa ta'ala 33 fois. Elle va prôner la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala 33 fois. Et ensuite, elle va montrer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, cela va être la cause de pardon de ses péchés. Et aussi, la personne va avoir de très grandes récompenses liées à cela. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ceux qui font ça vont dépasser tous les autres, sauf ceux qui feront les mêmes actes qu'eux. Et certes, le sens qu'il y a dans le fait de prôner la pureté d'Allah, le fait de dire subhanallah, c'est le fait de rejeter tout défaut et tout manquement concernant Allah Azza wa Jal, le fait de rejeter tout ce qui ne convient pas à la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa yakra'u ayat al-kursi, وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. Ensuite l'auteur il nous dit, après cela, la personne va réciter Ayat al-Kursi, ainsi que Kul huwallahu ahad, ainsi que Kul a'udhu bi rabbil falaq, ainsi que Kul a'udhu bi rabbin nas, les trois dernières sourates du Coran. Ceci, donc la personne va réciter cela après chaque salat. An-Nasa'i rahimahullah, il rapporte dans son livre Amalu al-Yawmi wal-Layla, d'après Abu Umama, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui récite le verset Al-Kursi à la fin de chaque prière obligatoire, alors la seule chose qui l'empêche de rentrer au paradis est la mort. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui récite ce verset grandiose, après chaque salat, la seule chose qui l'empêche de rentrer au paradis est la mort. Abu Daoud, il cite dans son sunan, d'après Uqbat ibn Amir, qui dit, Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an akra al-mu'awwidhat dubura kulli salat. Il dit, Uqbat ibn Amir, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de réciter Al-Mu'awwidhat après chaque prière. C'est-à-dire, Al-Mu'awwidhat, ce sont les trois dernières sourates du Coran. Et donc nous on va, inshallah ta'ala, essayer de méditer un peu sur ces trois, sur Ayat al-Kursi ainsi que les trois dernières sourates. Mais on va faire ce soir, bi'idhnillahi ta'ala, ce soir on va faire que Ayatou Al-Kursi, Inch'Allah Ta'ala. Toyib, et donc concernant Ayat Al-Kursi, et donc c'est le verset le plus grandiose du Coran. Il y a dans ce verset la description d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, nul ne mérite l'adoration en dehors de lui. Il est El-Hayyu, le vivant, qu'on peut traduire par l'éternel. El-Qayyum. Et donc, nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, Tabaraka wa Ta'ala, parce que c'est lui qui est l'éternel, le vivant. Celui qui possède la vie parfaite, dans tous les sens du terme. Celui dont sa vie n'a ni de début, ni de fin. Tabaraka wa ta'ala. Et donc la personne finit sa prière et elle médite quant au sens grandiose de ce verset. Le fait que son Seigneur est le seul à mériter l'adoration. Tous ceux qui connaissent, qui ont eu une naissance un jour, ne méritent pas l'adoration. Isa alayhi salam, qui est né un jour, ne mérite pas l'adoration, car il n'a pas une vie parfaite. Il a une vie qui a été précédée par l'inexistence. Allah tabaraka wa ta'ala, sa vie n'a ni de début, ni de fin. Il est donc le seul à mériter l'adoration, tabaraka wa ta'ala. Et donc il est le hayy, al-qayyum. Qu'est-ce que c'est que al-qayyum? Al-qayyum, c'est celui qui ne dépend que de lui-même, mais dont tous les autres dépendent de lui. Al-Qayyum, c'est celui qui ne dépend que de lui-même, mais dont tous les autres dépendent de lui. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il répliqua aux chrétiens, il leur demandait, mais si Jésus est une divinité qui mérite l'adoration, et que vous dites qu'il est mort, et qu'il est resté mort pendant 3 jours, mais pendant ces 3 jours, comment on fait toutes ces créatures pour rester vivantes et pour faire tout ce qu'elles avaient à faire? Puisque toutes les créatures ont besoin du Seigneur, du Créateur, Tabaraka wa Ta'ala. À chaque instant que tu respires, c'est par la grâce d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Chaque inspiration et expiration que tu as, dépend de la grâce et de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est celui qui ne dépend que de lui-même et dont tous les autres dépendent de lui. Tabaraka wa ta'ala. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. La somnolence ni le fait de dormir ne l'atteignent pas. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala ne dort pas car il ne veut pas dormir. Et aussi car la somnolence, le fait de dormir, n'a pas le dessus sur lui, tabaraka wa ta'ala. Il n'a pas besoin de repos. Une divinité qui a besoin de se reposer est une fausse divinité. Et voilà pourquoi nous nous retournons encore une fois vers les chrétiens qui nous disent que leur Seigneur s'est reposé au septième jour. Et donc, le musulman, après avoir fini sa prière, il va méditer sur la grandeur de son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et donc il fait ce qu'il veut de toutes ses créatures. Il fait ce qu'il veut de son royaume. Et il n'est pas interrogé concernant ce qu'il fait. On ne va pas dire mais pourquoi, mais pourquoi? Mais pourquoi au Seigneur? Il fait ce qu'il veut. Il éprouve ses créatures comme il le veut. D'ailleurs, j'ai récemment vu une image qui m'a choqué. Effectivement, il y a beaucoup d'images qui choquent en ce moment, concernant la Palestine notamment. Mais là, cette image ne m'a pas choqué comme on peut le comprendre. On voyait une image d'un enfant dans une souffrance, dans une situation de souffrance et de douleur. Et il était marqué en bas, ce sont des enfants au Seigneur. Quoi, vous allez vous plaindre? On va se plaindre maintenant? On va demander à Allah, oh Allah, pourquoi tu fais ça à des enfants? La ilaha illallah. Qu'est-ce que c'est que ce manque de comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala? Allah azza wa jalla est le sage. Il fait ce qu'il veut et tout ce qu'il veut dépend de sa sagesse tabaraka wa ta'ala. Et donc lorsque nous finissons notre prière et que nous citons, nous récitons ce verset, à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ça lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Tabaraka wa ta'ala. Et nous lui appartenons. Nous devons donc patienter dans la difficulté et obéir à Allah Azza wa Jal. Et donc il ne convient pas que tu finisses ta prière, que tu finisses tes invocations et qu'ensuite tu retournes dans les péchés comme si de rien n'était. Alors que tu viens de te rappeler que tu appartiens à Allah Azza wa Jal, que lui il fait ce qu'il veut de toi et que toi tu dois lui obéir. Il dit tabaraka wa ta'ala, man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui est celui qui va intercéder auprès de lui sans sa volonté tabaraka wa ta'ala? Et donc on ne demande pas l'intercession de qui que ce soit parmi les créatures. On ne demande pas leur intercession car barakallahu fikum. Il n'y a pas d'intercession sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'est pas comme ses créatures. La créature, on peut intercéder auprès d'elle sans même son autorisation ou sa permission. Allah Azza wa Jal, personne n'intercède auprès de lui sans qu'il ne donne la permission. Tabaraka wa ta'ala. Et donc si tu veux que le prophète intercède en ta faveur, demande à Allah qu'il fasse qu'au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder en ta faveur. Voilà ce que tu peux demander. Mais que tu demandes directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder en ta faveur, ceci est du polythéisme. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc, il dit tabaraka wa ta'ala, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Il connaît, il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Le passé et le futur, il connaît tout tabaraka wa ta'ala. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Et il ne cerne de sa science que ce qu'il veut. Ils ne connaissent de sa science que ce qu'il veut. Tabaraka wa ta'ala. Et donc, personne ne connaît l'invisible en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il est celui qui mérite l'adoration. Et donc, comment est-ce qu'une personne peut faire sa prière, faire ses azkars, et ensuite aller voir un sorcier pour l'interroger sur des sujets de l'invisible. Personne ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et certes aussi, on a dans ce verset le fait que le serviteur, peu importe la science qu'il a, peu importe la quantité de science qu'il connaît, alors il ne connaît que peu. Il ne connaît que peu. Et donc il doit rester humble, car il ne connaît pas grand-chose. Allah Azza wa Jal qui nous dit, « وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ » Ils ne connaissent de sa science que en fonction que ce qu'il veut, que ce que lui il veut bien. Et donc il faut arrêter de prétendre que nous avons beaucoup de science, ou ci ou ça. Et donc le serviteur doit être humble, ne pas s'emplir d'orgueil. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son repose-pied est large comme les cieux et la terre. Aussi large que les cieux et la terre. Le repose-pied. Aussi large que les cieux et la terre. La grandeur de cette créature nous montre la puissance et la grandeur du Créateur. Tabaraka wa ta'ala. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Et le fait de garder les cieux et la terre ne lui cause aucune peine, aucune charge. Ce n'est pas difficile pour lui, tabaraka wa ta'ala. Et il est certes le haut et le majestueux, tabaraka wa ta'ala. Rien ne lui est impossible, Allah Azza wa Jalla. Il est capable de tout. Et certes, il est le très haut, tabaraka wa ta'ala. Il est le seul à mériter l'adoration. Et certes, le serviteur, lorsqu'il va s'incliner durant la prière, il va dire « Subhana Rabbi al-Azim » et donc « Pureté à mon Seigneur, le majestueux al-Azim » et lorsqu'il va se prosterner, il va dire « Subhana Rabbi al-A'la » « Pureté à mon Seigneur, le Très-Haut » et donc il ne convient pas au serviteur, lorsqu'il a fini sa prière, lorsqu'il a fini ses azkars, qu'il aille faire du shirk, qu'il aille adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, alors qu'il vient de dire ça. De la même manière, il ne convient pas au serviteur de finir sa prière, de finir ses azkars, et ensuite il te dit, on ne peut pas dire que Allah est au-dessus des cieux. Tu viens de dire, Subhana Rabbi al-A'la, pureté à mon Seigneur le Très-Haut. Et ensuite tu dis, on ne peut pas dire qu'il est au-dessus des cieux, il est partout ou il est nulle part. Et donc c'est pour ça que je le dis et je le répète. Il est important qu'on médite sur ce qu'on dit. Il faut arrêter de citer des invocations comme ça sans réfléchir à ce qu'on dit. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.